J'ai trouvé une chanson cajolée entre deux pierres dans un vieux désert où crèvent les marins. Elle est écrite par ce bonhomme, haut comme trois pommes, qui d'un trait sur un papier blanc, sans tête, six pieds sous terre, cette chanson colporte la déraison de la jongleuse de Budapest. Dansant entre ces balles en bois, elles sont taillées dans un arbre dont j'ai perdu le nom, mais qui paraît-il viennent d'un pays au-delà des pieds du ciel. Cet arbre a voyagé sur un vaste navire contrôlé par un pirate avec un stupide équipage. Devant Costa Londres, il se retrouve à Budapest. Le capitaine s'est vengé, son second s'est fait virer. Ce second nommé La Poisse se perce les routes hongroises, mais au détour d'un sentier, un sentiment est né. En effet, ce malheureux est tombé amoureux de cette jeune femme, dansant entre ses balles. Trop de temps s'est écoulé, de sa vue elle disparaît. Cet homme à La Poisse, la fille s'est évadée. Il a donc écrit sa dernière lettre au parfum enivrant de poésie mièvre. Il la cajole entre deux pierres et sans terre, six pieds sous terre. Il a donc écrit sa dernière lettre au parfum enivrant de poésie mienne. Il la cajole entre deux pierres et sans terre, six pieds sous terre.